maté, mon mal maté. Dans le mal de maté, j'aime les pics. J'ai maté le matin sa bonté. Dans le mal, la soirée romantique. De maïté, le monté, j'ai sucré. La maïté est un fruit exotique. Maïté, mets donc ton cucu pour que je puisse mater ton cul. Parce que c'est bon pour la vue et que je ne l'ai pas perdu. Mémé dans tous ses états, depuis qu'elle sait que j'ai vu ton chat, elle en devient complètement gaga. Maintenant que va dire ton papa? J'ai ôté les beaux pas de Maïté. Dans les bras de Maïté, je m'explique. Masser les beaux reins bien cambrés. Dans le mât, je suis un as de pique. De Maïté, la beauté m'a envoûté. La Maïté est son fruit érotique. Maïté, mets donc ton tutu pour que je puisse mater ton cul. Parce que c'est bon pour la vue et que je ne l'ai pas perdu. M'aimer dans tous ses états, depuis qu'elle sait que j'ai vu ton chat, elle en devient complètement gaga. Maintenant que va dire ton papa? J'ai maté les mots bas de Maïté. Dans le mal, la soirée est ludique. Maté, c'est pour ça bien galbé. Dans le bas, lâché ma clique. De Maïté, le bombé, j'ai palpé. La Maïté a des cris chaotiques. Maïté, mets donc ton cucu pour que je puisse mater ton cul. Parce que c'est bon pour la vue et que je ne l'ai pas perdu. M'aimer dans tous ses états, depuis qu'elle sait que j'ai vu ton chat, elle en devient complètement gaga. Maintenant que va dire ton papa?